Les 13e compétitions sportives populaires ont été clôturées le 31 octobre. Au service de clôture tenu dans le palais des sports de Pyongyang, ont pris part des membres du comité de direction nationale des sports, des fonctionnaires des secteurs intéressés et du domaine de sport, des sportifs et des citadins. Les fanions circulaires ont été remis au club sportif 25 avril et à l'équipe municipale de Pyongyang qui se sont classés premiers respectivement au classement général. Les coupes et médailles ont été distribuées aux meilleures équipes et joueurs.